Mes chers petits ruisseaux de mayonnaise, aujourd'hui, notre périple à la découverte de la campagne se poursuit. Dans l'émission de lundi, nous avons découvert ensemble ce qu'était une vache, en compagnie de notre guide, Monsieur Barnabu. Monsieur Barnabu, je dois dire que cette rencontre avec la jante bovine ne fut pas de tout repos. Putain, mais il n'y a rien de plus paisible qu'une vache. Pourquoi êtes-vous parti en courant? Quand les vaches sont venues vers nous, je ne me suis pas enfui. J'ai simplement décidé de sauter la clôture. Pour voir. Pour l'exploit sportif. Ouais. En Fosbury. En quoi? Je me suis loupé. J'ai mal pris mon élan. Au lycée, pourtant, j'étais le meilleur. Ouais. Et vous allez le garder autour du cou toute la journée? Vous savez, ça coûte cher, le barbelé. Je peux vous confier un souvenir? Oui. C'était l'été dernier. Quoi? Tout allait mal pour moi. Ma petite amie m'avait quitté. J'avais perdu mon job de chroniqueur de charme sur Radio Occitanie. Oh putain. L'idée de vivre m'était insupportable. Je suis venu par ici, avec dans l'intention de mettre fin à mes jours. J'ai grimpé en haut de la plus haute des collines, avec un paratonnerre. Et j'ai attendu qu'un éclair me foudroie. Putain, tu dieu! Manque de bol, j'ai attendu une semaine debout avec mon paratonnerre. C'était une semaine de grand beau temps. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir, vous savez, monsieur Barnabu. Ah ouais? Et vous avez choisi de vivre? Fou, ça non. À la première occasion, je fous le camp dans l'autre monde. Mais ce n'est pas si facile. J'ai essayé de m'ouvrir le crâne sur un morceau de polystyrène. Je me suis jeté aux eaux, dans la fosse aux pingouins. Mais rien. L'échec total. Une fois seulement, je me suis rendu malade 2 jours, après une overdose volontaire de saumon fumé. J'ai beau chercher chez moi, partout, je ne trouve pas de débouchévier suffisamment aiguisé pour m'ouvrir les veines avec. Alors je me contente d'attendre de pied ferme le prochain orage. Ouais, je vois. Ouais. Mais je vous ennuie avec tout ça. Non. Et il ne faut pas perdre de vue que le but de notre émission est de découvrir la campagne. Mes chers petits grumeaux de Gorgonzola, je suis sûr que vous mourrez d'impatience de savoir ce que mange la vache. Monsieur Barnabu, que mange la vache? Mais pendant la belle saison, l'herbe est suffisamment grasse pour suffire à leur alimentation. Je vois. Et pendant l'hiver? On leur donne du foin et puis aussi des granulés. Ah, vaste sujet, les granulés. Certaines personnes affirment que ces granulés ne contiennent pas d'amiante. Putain, mais faut arrêter de raconter des salades. C'est totalement faux. Tous mes granulés contiennent de l'amiante, à peu près 15%. Oh. Et aussi des bouts de verre, bien que les directives européennes ne les rendent pas obligatoires. Alors dites-moi, la partie comestible du granulé est bien sûr constituée de farine animale. Mais oui, putain, de la farine obtenue à partir de cadavres de vaches, de chevaux, de moutons, mort, que l'on broie dans de gigantesques mixeurs, voyez-vous. Vous pouvez m'affirmer que ces granulés ne comportent aucun risque du point de vue sanitaire? Mais faut arrêter de raconter des conneries, bien sûr que je l'affirme, aucun risque. Tenez, pour tout vous dire, j'en mange moi-même, vous en voulez? Et vous donnez toujours le même type de granulé à vos bêtes? Non, pour mes bœufs de concours, que je présente chaque année à la foire en décroulé les deux églises, je fais spécialement fabriquer du MX472. Ah, c'est quoi? Comment vous expliquer? Le MX472 est au granulé classique ce que le caviar est aux œufs de lump. Il est exclusivement constitué de farine d'anus de poulet. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais exactement, putain. Mais faut arrêter de raconter des salades, merde, bordel. Mais de découverte en découverte, le temps passe. Il est temps de nous quitter. Je vous rappelle que nous nous retrouvons tous les jours cette semaine avec Monsieur Barnabu, dans Soyez temps passant, pour découvrir ensemble les bienfaits du grand air et de la nature. C'est inouï, ça. Arrêtez les conneries, putain.